Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau L'Irambule. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul derrière le micro, j'ai Nico avec moi. Yo tout le monde. Et on va parler du grand event de chez X-Men qui est là pour tout remettre à plat. On va parler de House of X et Power of X. Mais avant de commencer, on va quand même essayer de repartir vers les origines de cet event en parlant un peu des Dickman quand même, parce que c'est un grand scénariste de chez Marvel. Il a travaillé sur énormément de séries comme les 4 Fantastiques. Il a travaillé un peu sur l'univers Ultimate. Il a travaillé sur S.H.I.E.L.D., sur Secret Warriors. Il était chef d'orchestre pour le Secret Wars. Il a travaillé également sur du Avengers, enfin, c'est quand même un grand nom. Et pareil, il a travaillé un peu sur quelques séries en indé. Nico, il a travaillé sur quoi déjà en indé? Indé, moi je sais, je lisais de lui East of West, qui était très bon d'ailleurs, après Hickman quoi. Voilà, et c'est vrai que ça faisait depuis un petit moment, je dirais que ça fait depuis Secret Wars qu'on n'entend plus parler d'Hickman. Et ça fait depuis un an et demi qu'on a appris, voire même un peu plus, on approche même des 2 ans, à mon avis, 2 ans, 2 ans et demi, qu'on a appris qu'il allait se mettre sur les X-Men. Et on était tous un peu contents de cette nouvelle et on était tous un peu pressés. Je sais pas toi, Nico. Moi, bon, après les X-Men de base, moi avant, maintenant je me diversifie un peu, mais à l'époque où c'était annoncé, j'étais encore à fond sur le cosmique, donc ça m'en touchait une, sans faire vibrer l'autre. Mais après, maintenant, le résultat, quand on voit ce que ça donne et quand c'est, moi, quoi, pour avoir vu tout ce qu'il a fait sur les Avengers, justement, avant Secret Wars, avec en plus même le super event Infinity qu'il avait orchestré et tout, c'est vrai que ça présageait beaucoup, beaucoup de bon. Et voilà. Ça tombe bien, on va parler un peu maintenant des séries X-Men avant tout ça. On va parler un peu, je pense qu'on peut commencer à parler du fait que Disney n'arrivait pas à racheter les droits des X-Men. Et ça a un peu tué la licence, quoi, parce qu'on a eu pas mal de mauvais events et de mauvaises choses écrites sur X-Men. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Sur les derniers. Quoique, après, sur les tout derniers, juste avant, il y avait. Je les retrouve dans mes collections, mais il y avait un ou deux trucs qui n'étaient pas trop mal. Mais c'était vraiment pour marquer la fin des X-Men. C'était par exemple X-Termination qui n'était pas trop mal. Et le Uncanny X-Men aussi, Disassemble. Je me souviens que les deux n'étaient pas trop mal quand même, mais c'était vraiment pour marquer la fin des X-Men. Mais avant, par exemple, tu avais des super trucs comme le génialissime Inhumain versus X-Men, qui est un event tellement inutile que quand ils arrivent à la fin, ils me disent qu'il fallait dire qu'il fallait détruire le nuage, j'étais en train de te dire tout ça pour ça, on foutait notre gueule. Donc c'est vrai que les X-Men sont passés quand même par quelques trucs. Avant, il y avait un âge d'or, je me souviens, avec les récits X-Force et tout. Et après, on a eu cette période où Disney voulait racheter, où on n'a pas eu grand-chose de super sympa. Et donc, jusqu'à maintenant, où c'était assez moyen. Quoi. Alors, je pense même que les X-Men sont morts avec Avengers versus X-Men. C'est vraiment le dernier truc marquant, c'est vrai. Un peu moins, en tout cas pour moi, c'est un des derniers trucs marquants, t'as raison. Parce que bon, on avait fini la guerre du Missy et compagnie, donc Hope était revenu dans le présent. Ouais. Elle savait pas trop quoi faire, la Force Phoenix arrive. Enfin voilà, c'était vraiment pour moi le dernier gros event. Après, ils ont laissé la main à Bendis, qui avait fait des choses plus ou moins bien, dont une des choses mal. C'était de faire revenir les X-Men du passé dans le présent, en fait, tu sais. Ah pas, oui. Comment on peut écrire ce genre de choses et on se dire, mais comment on va faire pour les renvoyer vers le passé, quoi. Oui. Tout en se démerdant de ne pas affecter la ligne temporelle. C'est Marvel et les lignes temporelles, ça fait longtemps qu'ils s'en foutent, quoi. Ouais, c'est pas faux. Et je crois qu'en tant que fan de Cosmic, tu as dû lire ces magnifiques crossovers. Gardien de la Galaxie, X-Men également. J'en ai aucun souvenir, je les ai lus parce que je les ai, mais j'en ai aucun souvenir. Ça montre à quel point ça devait pas être très très brillant. Ouais, bah en même temps, c'est comme les gardiens de Bendis, c'était pas super ouf non plus, quoi. Mais c'est Bendis, c'est le problème de Bendis. Des fois, il fait un truc très brillant, des fois, il fait juste le taf pour te sortir quelque chose et voilà quoi. Et ouais, c'est bon, on va pas revenir, mais pour moi, le meilleur âge de Bendy, c'était l'ère Ultimate où il pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. Mais... Du coup, on est en train de diverser, de se diviser. Non, parce que tu vois, j'allais revenir vers le fil rouge que je t'ai envoyé. Et avant de rentrer dans la critique d'House of X, je voulais quand même revenir sur un personnage qui va être très important dans cet event qu'on a à peu près tous oublié. Moria McTarget, qui est... un des personnages clés de cet event, que pour ma part j'avais complètement oublié, que j'ai quasiment jamais vu ou lu dans les X-Men que j'ai pu avoir dans mes mains. C'est à peu près la même chose pour moi. Elle est très secondaire au point que tout le monde a oublié. Très tertiaire. Le problème, c'est qu'en plus, une partie des X-Men, même des mutants, tu les connais par rapport à leur charisme, leur pouvoir et tout ça, mais elle, par exemple, son pouvoir. C'est quelque chose qui sort un peu du lot, tu vas pas la croiser souvent parce que ben en fait elle se régène quoi. Enfin, dès qu'elle meurt, elle renaît, elle renaît avec ses souvenirs d'avant. Donc voilà, son pouvoir c'est ça. Et c'est vrai que de base, à part pour des intrigues ou des trucs comme ça, tu la vois quasiment pas, elle va pas être au feu de l'action, elle va pas être... Donc c'est vrai qu'on la voit quasiment jamais. Au point qu'au début elle savait même pas que c'était une mutante. Oui, c'est vrai. Donc non, c'est quand même assez rare. Et c'est surtout que quand elle renaît, on a l'impression qu'elle renaît sur la même ligne temporelle. Donc en fait, à elle seule, elle crée des multiverses. C'était une théorie que je t'avais dit. Ouais, mais ça, je sais pas, par contre. Ouais. Enfin, ça reste quand même assez bizarre, surtout comment c'est expliqué dans le récit. Mais je pense que là, c'est bon. On avance sur notre fil rouge et on va pouvoir vraiment rentrer dans... On va commencer par vous résumer House of X et on va vous séparer Power of X, parce que pour Nico et moi, c'est deux récits totalement différents et qui n'ont pas du tout la même intensité, la même importance à nos yeux. Donc Nico, comment tu résumerais House of X? Alors, House of X, parce qu'il faut savoir qu'au total, tout l'event, c'est donc House of X, Power of X, on a 4 temporalités. Et House of X, c'est en fait le présent plus 10 ans après des mutants, des X-Men, où justement tous les mutants se retrouvent sur Krakoa, ils ont fait réussir à voir la vraie nation. Et ce qui est sympa dans House of X, c'est que justement, on voit tous ces mutants vivre donc sur leur île, avoir leur nation. Et donc, il y a un peu d'enjeu politique, ils ont toujours des ennemis par-ci par-là. C'est un récit qui reste proche des X-Men de base qu'on connaît, parce qu'il y a toujours ce côté menace des mutants et tout ça, sauf que là ils ont leur patrie, ils sont tous ensemble. Et donc ça donne un aspect assez, pas décalé dans le mauvais sens, mais assez différent, et pour moi j'ai vraiment bien aimé. Il y a ce côté politique qui des fois part trop loin, mais qui est vraiment intéressant. Et c'est vrai que pour un peu étayer ce que disait Nico, House of X va être vraiment la partie politique où en fait on va voir au tout début de l'event Magneto qui va essayer de convaincre des membres des Nations Unies de voter pour Krakoa, pour que Krakoa rentre même aux Nations Unies. Et on voit tout ça, et c'est quelque chose qui est assez passionnant et assez bien. De voir certains personnages comme Magneto s'humaniser pour essayer de faire alliance, d'autres personnages comme Charles Xavier qui vire complètement vers le nazisme, et d'autres personnages comme Mr. Sinister, Emma Frost qui rejoint Krakoa pour des intérêts à eux, où ils négocient réellement des choses. Et voilà, après, dans tous ces grands politiques, moi j'ai quand même un point d'interrogation. End sa bannure, quoi. Apocalypse, qu'est-ce qu'il fout ici? Pourquoi il accepte aussi facilement et pourquoi il ne veut pas dominer, quoi? C'est la grosse interrogation de House of X, à mes yeux. Le truc, c'est que House of X est incomplet en soi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous montre au final qui vont être développées, je pense, avec le temps dans les autres séries X-Men. Mais vu que chacun après a son propre quartier, vu que Krakoa c'est super grand. En plus, en fait, ce qui n'est pas trop dit, c'est que même de base, Krakoa c'est une sorte d'île vivante et tu as des portails pour aller sur Krakoa un peu partout. Enfin voilà, c'est tout un système complexe. Et je crois qu'ils ont tous une partie de territoire sur Krakoa, donc que ce soit Apocalypse, que ce soit Mister Sinister. Et donc, ils peuvent tous un peu affairer à leur affaire en même temps. Donc, même s'ils sont tous mutants, je pense qu'avec le temps, on peut avoir des petites intrigues par-ci par-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas plus d'infos. On nous lâche ça comme ça et il faut faire avec. Et oui, c'est vrai que tu as totalement raison. En fait, c'est une île qui est... c'est un peu comme les États-Unis, en fait. C'est une île avec plusieurs États, quoi. Ouais. Et voilà. Mais en tout cas, tu vois, là où je suis très content, c'est qu'ils aient vraiment leur île et leurs propres règles et compagnie. Ils avaient essayé de développer ça dans Secret Empire, où tu avais le capitaine Hydra qui leur avait laissé un territoire à gérer. Et j'ai beaucoup aimé ce principe où, en fait, on voit enfin une île mutante avec leurs propres règles et compagnie, et ça devrait amener de bonnes choses au final. Même si je comprends toujours pas la résolution de Xavier, qui est vraiment un mini-nazi, quoi. Ben c'est vrai que là-dessus, il y a un revirement du personnage. Ça a presque changé avec Magneto. Ou avant, c'était Magneto quand voulait l'humanité. Là, maintenant, c'est plutôt Xavier. C'est un peu l'inverse. J'ai pas trop totalement compris ou suivi pourquoi il avait vrillé comme ça. Mais je sais pas. C'est vrai que ça change beaucoup pour le personnage. Après, j'ai l'impression que Marvel, ils aiment beaucoup faire ça. Parce que bon, il y a quelques années, c'était pas Charles Xavier qui avait complètement reviré. C'était Scott. Oui, Scott avait complètement pété les plans, c'est vrai. Mais le problème, c'est que Xavier, c'est tout un symbole, quoi. Scott, à cette époque, en plus, à un moment, il n'y avait plus Xavier. Et après, oui, certes, il a tué Xavier et tout. Mais Xavier, c'était vraiment le symbole de paix. Le mec était toujours là, justement, pour comprendre les humains et dire aux mutants qu'il ne faut pas non plus les attaquer et tout. C'était presque le messie sur le fait qu'il a un symbole de paix en lui qu'il porte. Et donc, le voir changer comme ça, c'est assez troublant. Et bon, je pense qu'on en a assez dit sur House of X. Donc, c'est une partie que, comme vous pouvez entendre, Nico et moi, on a beaucoup apprécié. Et qu'on demande vraiment à découvrir et à poursuivre. Et maintenant, on va parler de l'autre partie du récit qui est Power of X. Oui. La mauvaise partie, on va dire. Enfin, la partie même. Pas enfin, mauvaise pour moi, oui, mais surtout la partie la plus inutile. La plus complexe. En fait. Ouais, complexe, mais t'as pas trop d'utilité non plus. Alors, à part le truc avec Moira, t'as pas énormément d'utilité de par rapport à tout ce que ça raconte. Alors, avant de critiquer, je te propose qu'on essaye de résumer la chose. Ouais. Donc, dans Power of X, en fait, j'ai l'impression que ça on se concentre beaucoup sur Moria et son pouvoir de revivre. Et on va suivre quatre temporalités. Donc X0, celui-là qui se passe sur le présent. X1 qui se passe 10 ans après, où on va voir Charles nazi. X2 qui va se passer 100 ans plus tard, avec les Nemrod qui ont pris le pouvoir et compagnie, où les mutants vont être chassés, sauf sur Krakoa où ils n'ont pas vraiment accès. Et on va avoir X3 qui va se passer 1000 ans après, je crois, de mémoire. C'est 0, 10, 100, 1000. Et bon, pour les 1000 ans après, j'ai pas forcément compris l'utilité, sauf qu'apparemment, l'humanité, les mutants sont menacés et compagnie. Donc, dans ces quatre temporalités, on va surtout suivre celle de X2, X3. Plus que ceux de X0 et X1 qui sont déjà bien développés dans House of X. Et on va voir les mutants échouer dans leur quête de nation. Donc dans X2, on va les voir échouer 100 ans plus tard, et dans X3, on va les voir échouer 1000 ans plus tard. Et ils ont tous l'espoir sur Moria pour essayer de retransformer le futur. C'est à peu près ça, Minico ? Ouais, c'est à peu près ça. Bon, on va dire que c'est ça. Et honnêtement, sortir Power of X en même temps que House of X, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'Hickman essaye de nous spoiler son arc. Enfin, son run. Mais c'est ça, en fait. Il aurait dû le sortir un peu avant un nouvel event pour dire tiens, il y a un danger du futur, quelque chose qui vient, et te mettre ça avant pour que après Moira arrive et prévienne du danger ou quelque chose comme ça. Mais là, le sortir en même temps que House of X, c'est on te tease un truc et qui sait qu'arrivera dans un an ou j'en sais rien, dans plus d'un an, parce que surtout pour le temps que ça arrive en France, dans plus d'un an, parce que depuis la sortie de House of X, Power of X, qui est déjà depuis plusieurs mois, presque un an, Là, le prochain event qui se fait, je crois que c'est Sword of X qui est prévu. Donc, ouais, donc pendant un an, il ne se passe rien. Et encore Sword of X, je ne sais même pas si ça va parler de ce qui a été teasé un peu pour Power of X. Alors, je ne crois pas. Et c'est surtout que ça va être encore plus perché parce qu'il faudra lire les chapitres d'une manière bien précise. Marvel a sorti tout ça. C'est lourd, quoi. C'est compliqué. Mais c'est vrai que Power of X, je ne sais même pas comment on peut attaquer Power of X. Parce que finalement, quand on lit l'ensemble des deux events, j'ai envie de dire qu'on voit donc Moria 1 quand elle est dans sa vie passée. On voit Moria 2 quand elle apprend que c'est une mutante, mais qu'elle veut tuer les mutantes. Et donc, elle meurt et voilà. Après, on voit Moira 3 qui renaît et c'est là où ça se passe à peu près en même temps que X1. Après, on voit Moria 4, voire même Moria 3 qui continue sa vie parce qu'on ne sait pas vraiment dans X3 où elle arrive à vivre vieille parce qu'elle est devenue une cavalière de l'apocalypse. Et après on la revoit dans X3, mais on ne sait pas si c'est toujours la Moria d'X2 ou si c'est à cause d'une mort. Enfin bref, la ligne temporalité de Moria, je n'ai absolument rien compris. Et malgré les efforts, parce que Hickman a fait les choses bien, et c'est quelque chose que j'ai quand même bien aimé, c'est les petites annexes qu'il y a entre chapitres. C'est vrai. Même pas entre chapitres, c'est même entre les pages parfois. Ouais, même... Toujours des explications de ci, de ça. C'est sympa. C'est sympa, mais pour Moria, j'ai toujours rien compris. Je n'ai même pas regardé. Non. Mais voilà, c'est vrai que quand on voit tout ça, c'est quelque chose qui est assez complexe, trop complexe à mes yeux. Et voilà, je pense que Hickman aurait dû se concentrer sur House of X et monter la pression à plus tard. Pas forcément vouloir en faire trop, parce que s'il faut, là, on ne va plus entendre parler de ça jusqu'à ce qu'ils finissent en gros event qu'on va appeler Secret X à la Secret Wars où il mettra tout à plat, mais quel est l'intérêt? Je comprends pas. Nico, tu veux rajouter quelque chose ou pas sur non, je suis d'accord avec toi sur le fait que si c'est pour teaser un truc, ça arrive beaucoup trop tôt, et pour si ça tease rien du tout, ben ça apporte rien non plus en soi, parce que ça n'a pas de rapport avec après la reprise derrière des X-Men. Donc voilà, et voilà. Bon, je pense qu'on a fini hein, les grosses critiques sur House of X et Power of X. J'aimerais quand même parler un peu de l'avenir de la franchise, parce que bon, en France, ça va arriver en octobre. En octobre ou en septembre, je ne sais pas. De toute manière, Panini, ils sont tellement confus également dans leur tête. On ne sait jamais comment ça se passe. Mais il y a eu quand même énormément de séries X-Men qui sont sorties, dont deux qui sont scénarisées par Hickman. Donc, il y aura forcément la série X-Men scénarisée par Hickman et il va également faire New Mutants. Après, bon, forcément, il y a toujours des séries qui vont graviter autour des X-Men avec Excalibur, X-Force, Marauders. Il va y avoir une mini-série 4 Fantastiques X-Men. Ça, c'est pour faire plaisir à Hickman, vu qu'il a travaillé sur les 4 Fantastiques. Et puis après, il va y avoir des petites séries sur des personnages un peu emblématiques. Et puis voilà. Alors, moi, je ne les ai pas encore lus. Nico les a lus, quelques-uns. Ah, j'ai oublié Fallen Angels et Wolverine. Mais voilà. En deux mots, Nico, quelle est ta série favorite, en sachant que tu ne rentres pas dans les détails? Alors en deux mots, je ne les ai pas toutes lues, mais pour faire un classement entre ce que j'ai lu qui est X-Men, pour le moment j'ai lu que le premier chapitre d'Excalibur, donc je ne vais pas juger. J'ai lu X-Men, j'ai lu Fallen Angel, j'ai lu X-Force, est-ce que j'en ai lu un autre? Je ne sais plus, mais de ce que j'ai lu, mon préféré c'était X-Force. D'accord. Et bah, nous, en tout cas, on en reparlera très rapidement parce que moi je les ai quasiment tous achetés sauf Marauders et Fallen Angels, mais ils ne sont pas sortis en TPB. Pas encore. Il y a quelque chose qui m'a étonné, par contre, tu vois, avec cette grosse refonte. Donc, ils ont tout rebooté, même Wolverine, qui venait à peine de renaître. ils n'ont pas annoncé de Deadpool. Est-ce que c'est si mauvais que ça, comme décision ? Non. Mais quand même, tu peux te poser la question du pourquoi ils n'ont pas... C'est vrai que c'était un peu la poule aux œufs d'or au moment de Deadpool, donc je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont le faire revenir après plus tard sur un X-Force ou j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore vu Deadpool depuis le début. Bon, après, comme dit Nico, c'est pas forcément mal, je suis d'accord avec lui. Mais sauf si le problème, en fait, s'ils reprennent un peu un Deadpool à l'ancienne comme il était au départ, ça peut être très bon. Mais la façon dont ils l'ont fait pour en faire une sorte de Harley Quinn, tout le temps faire des conneries et tout, et des Deadpool Massacre Marvel et compagnie, c'est relou, quoi. C'est pas faux. Bon, je pense qu'au bout de 20 minutes, vous avez à peu près compris qu'est-ce qu'on ressentait avec Sofix et Power of X. Éventuellement, Nico, un petit mot pour conclure ? Alors, dans le cas où vous êtes en kiosque, de toute façon, vous allez tout dire, mais s'il y a le choix et que c'est peut-être sorti en deux parties, en TPB, ou donc du coup, chez nous, en format librairie, concentrez-vous surtout pour, si vous voulez lire la suite, donc sur les House of X. Voilà, si je dois dire un mot moins par rapport à ça, c'est concentrez-vous sur ça. Et alors, moi, je vais plutôt donner une impression générale. Hickman a voulu faire table rase et marquer son empreinte sur X-Men. Je pense qu'il va réussir. Je pense que c'est très controversé. Mais ça va du Hickman, ça va être très complexe sur certaines choses, alors qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre de la complexité. Et voilà, en fait... hâte de découvrir la suite, mais pas, je suis pas à fond non plus. Et sur ce, je pense qu'on a terminé, Nico. Oui, je pense qu'on a tout dit. Eh bien, écoutez, en 20 minutes, on s'est assez bien démerdé pour essayer de faire du mieux possible. Je vais en tout cas vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée et une bonne journée. Et puis, on va se retrouver très très bientôt dans un nouveau Lire en Bulle ou un nouveau Débat Comics. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine.